Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission avec un regard historique sur la science. Alors quand on évoque les grandes découvertes scientifiques, les noms comme Newton, Einstein, Mendeleïev et bien d'autres nous viennent en tête, tous des noms masculins, comme si aucune femme n'avait participé à ces découvertes. Bien sûr, il y a eu Marie Curie, mais il y a d'autres femmes de science qui, elles, sont restées dans l'ombre. Avec nous en studio, nous avons une autre femme de science, Anne-Sophie Poulain-Girard. Elle est étudiante au doctorat en physique à l'Université Laval et elle va nous faire découvrir quelques-unes de ces grandes femmes scientifiques oubliées. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Peut-être d'ailleurs, juste pour te présenter, c'est peut-être pas un hasard aussi si tu t'intéresses à ces sujets-là, parce que tu participes aussi au duo Les filles et les sciences, c'est ça? Tu participes à la programmation de cet événement-là? Oui, à quelques reprises avec mes collègues qui sont des filles, entre autres. On a participé à cette activité-là qui est dans le fond une activité qui se déroule en février. Puis ça permet à des filles du début du secondaire, dans le fond, de découvrir des carrières potentielles en sciences, là, puis des domaines dans lesquels elles ne seraient pas naturellement dirigées. Oui, donc c'est quelque chose qui te tient peut-être à cœur, là, de donner la place que les femmes méritent en sciences, peut-être de leur dire aux filles, ben oui, là, vous avez votre place aussi à prendre, c'est peut-être quelque chose qui te tient à cœur. Oui, effectivement, puis c'est sûr que si les jeunes filles se disent une carrière en sciences, c'est possible pour moi, qu'elles le choisissent ou non, ben ça va être mission accomplie. Donc là, tu as choisi de nous parler donc de quelques femmes qui se sont illustrées dans l'histoire des sciences et à partir d'un livre que tu as lu. Oui, c'est un livre qui s'appelle « Trop belle pour le Nobel, les femmes et la science ». Donc, en fait, pour vous en parler, j'ai pensé parler aussi un peu des prix Nobel parce que on sait que c'est des prix très prestigieux, pardon, mais qu'est-ce qu'on en connaît en fait? Oui. Donc, les prix Nobel, moi, j'avais l'impression avant de lire sur le sujet que c'était très, très, très vieux, mais ça date seulement de 1901, donc c'est pas si vieux que ça. C'est un peu plus qu'un siècle. Donc, ça a été institué à la demande d'Alfred Nobel, qui avait inventé la dynamite. Et puis, il n'y avait pas d'enfant. Donc, il a légué sa fortune pour créer des prix qui vont récompenser les grandes découvertes, les inventions qui marquent l'humanité. Donc, lui, dans son testament, il demande de créer 5 prix. Donc, il demande, on les connaît, donc la physique, la chimie, la médecine, la paix et la littérature. Et puis, on pourrait se dire, mais que se passe-t-il, le prix Nobel d'économie? Ben oui, c'est ça. Oui. C'était pas dans son testament, non. En fait. Ça a été créé en 1968, donc beaucoup plus tard, à la demande de la Banque de Suède, parce que Alfred Nobel était suédois. Ouais. Et puis, en fait, ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, en fait, son nom complet, c'est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Ah, d'accord. Donc, c'est pas tout à fait c'est ça, c'est en mémoire, mais c'était pas dans le testament d'Alfred Nobel. Exactement. La première remise a été en 1901, je vous l'ai dit, et puis c'est le 10 décembre qui est l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel tous les ans. En fait, si vous voulez avoir un prix Nobel... Est-ce que ça dépend juste de notre volonté? les règles sont assez souples, en fait. Il y a des prix prestigieux, ou est-ce que pour remplir les qualifications pour se voir remettre ce prix-là, c'est très compliqué, mais le Nobel, les règles sont assez souples, en fait. Donc, il faut peut-être avoir fait quand même certaines preuves. Assurément, mais pour être éligible, en fait, c'est sûr que pour le gagner, il faut avoir fait des découvertes là, qui méritent un Nobel, mais pour être éligible, les règles sont souples. Contrairement, par exemple, à la médaille Fields, qui est souvent... En mathématiques. Exactement, en mathématiques, qui est souvent considérée comme un peu l'équivalent du Nobel parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Il y a une règle, par exemple, qui est qu'on ne peut pas être plus que 3 à gagner un prix Nobel une année. Donc, moi, c'est vrai. Exactement. Donc, par exemple, le prix Nobel de physique peut être remis à 3 personnes différentes pour 2 découvertes différentes, mais il ne pourrait pas être remis à une 4e personne. C'est ce qu'on appelle le cas du 4e homme. Donc, j'ai un exemple assez récent de ça. En 2008, alors le prix Nobel de médecine a été remis à 3 personnes. Donc, la première, c'était la personne qui a découvert le virus du papillon humain qui cause les cancers du col de l'utérus. Et les 2 autres personnes, qui sont des Français, c'est ceux qui ont mis en évidence le virus du VIH. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans l'article qui a été publié initialement sur le virus du VIH, il y avait un 3e auteur qui s'appelle Jean-Claude Sherman et qui n'a pas reçu de prix Nobel malgré le fait qu'il a participé à la mise en évidence du virus du VIH. Puis ça a fait une grosse polémique en France. C'est quand même récent aussi. Oui, oui, oui. Mais ça, ça c'est des hommes, là. Tu voulais nous parler de quelques femmes? Je m'en viens, ah. je vais vous parler de femmes. En fait, j'avais quelques faits intéressants aussi sur les Nobel. Des chiffres qui m'ont surpris là, quand j'ai fait mes recherches pour cette chronique-là. Donc, il y a 555 prix Nobel qui ont été remis à plus de 850 lauréats. Donc, ça fait quand même du monde qui ont eu des prix Nobel. Ils n'ont pas été décernés pendant les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Moi, c'est ce que je me demandais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là? Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ne les décernent pas. Puis aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est que, par exemple, le prix Nobel en 1938 et 1939, il y a trois prix Nobel allemands qui ont été forcés de refuser leur prix par Hitler. Ah oui? Ah, OK. Donc, il les a forcés. Il y a également... En 1958, un poète soviétique qui a aussi dû refuser... renoncer à sa récompense. Ordre de l'Union soviétique. L'âge moyen pour recevoir un prix Nobel, c'est 59 ans. Donc, si vous avez moins de 59 ans, vous avez encore le temps. Pas de problème. Donc, les lauréats les plus âgés, c'est en économie, la moyenne est 67 ans. Le plus jeune lauréat, c'est un lauréat du prix Nobel de physique qui s'appelait Lawrence Bragg et qui l'a reçu à 25 ans. C'est vraiment jeune, hein? Exactement. Et il travaillait avec son père, Henry Bragg. Ah. Et puis, il faisait l'analyse de structures cristallines par rayon X. Donc, il y a également trois lauréats qui étaient sous les verrous, en prison, lorsqu'ils ont reçu le prix Nobel. Donc, c'est des gens qui sont lauréats de prix Nobel de la paix. Mm-hmm. Donc, entre autres, le lauréat du prix Nobel de la paix de 2010, qui défendait les droits humains en Chine, était emprisonné. Donc, les recordman ou recordwomen des prix Nobel, donc Marie Curie... Donc, ceux qui en ont eu le plus? Oui, qui en ont eu le plus. Donc, Marie Curie, qui a eu la physique et la chimie. Et puis, quelqu'un que je connaissais pas qui s'appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, Frédéric Sanger. Sanger, je pense que c'est, ouais. Alors, ça se peut très bien. Qui, lui, a reçu deux prix Nobel de chimie. Un en 1958, seul, puis un en 1980 avec deux autres personnes. Donc, deux fois le prix Nobel en chimie, ça, c'est tout que de la pointure scientifique. Ouais, parce que je pense qu'il a travaillé sur les façons de séquencer les ADN, je pense, là, c'est nucléique. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, il a également fait des travaux sur l'insuline aussi. Mm-hmm. Il y a aussi des familles qui sont... Oui. Fortement nobélisée. Donc, la famille la plus célèbre, c'est la famille Curie. Donc, Pierre et Marie Curie ont eu des prix. On sait, Marie Curie en a eu deux. Et puis, il y a également leur fille, Irène Joliot-Curie, qui en a eu un. Et leur gendre aussi, Frédéric Joliot. Mm-hmm. Mais dans tout ça, tu nous as pas dit... tu nous as dit qu'il y avait, je sais plus, 800 et quelques lauréats. Est-ce qu'on sait combien il y a eu de femmes dans tout ça? Bien, en fait, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis, c'est entre autres attribuable à l'époque. Donc, 1901, les prix Nobel commencent, années 20, années 30. Ouais. On sait que dans ces années-là, la contribution des femmes n'était pas exactement nécessairement reconnue à sa juste valeur. Donc, il y a seulement eu 44 femmes qui ont eu des prix Nobel. Donc, le prix Nobel qui a... La catégorie qui a reçu le plus de femmes qui l'ont reçu, c'est le prix Nobel de la paix. Et à l'opposé, le prix Nobel qui en a reçu le moins, en fait, c'est le prix d'économie suivi... Où est-ce qu'il n'y en a eu aucune, en fait? Il n'y a eu aucune. Aucune femme. C'est marrant, c'est pourtant elle qui gère souvent les maisons, les finances à la maison. Et pour gérer les finances du monde, ça a l'air que ça ne marche pas. Ça a l'air que non, mais il a juste été institué en 1968. Donc mais c'est sûr que depuis 68, les femmes ont fait plus de chemin, donc il aurait pu en avoir. Et puis le deuxième, c'est en physique, il y a eu uniquement deux lauréates. Donc effectivement, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je voulais vous faire découvrir aujourd'hui trois femmes qui auraient... dû avoir des prix Nobel et puis ben malheureusement qu'ils les ont pas eu dans certains cas à cause des règles des prix Nobel, dans d'autres cas à cause de raisons plus tragiques, on pourrait dire. D'accord. Alors on s'entend bien, c'est des femmes qui n'ont pas eu le prix Nobel mais qui ont peut-être été associées à des recherches qui se sont méritées par ultérieurement le prix Nobel, ou du moins dont les co-auteurs ont eu le prix Nobel et pas elles. Exactement. D'accord. Alors on commence par qui? Ben en fait, on va commencer par une physicienne autrichienne qui vivait dans les années 1930. En fait, on est autour des années 1930, qui s'appelle Lise Meitner. Donc, je vous mets un peu en contexte. Donc, on sait les particules élémentaires, les atomes, pardon, sont faits de particules élémentaires, donc électrons, protons, neutrons. Le neutron est mis en évidence en 1932 par quelqu'un qui s'appelle James Chadwick. Et là, il s'enclenche une espèce de course parmi les scientifiques. L'idée ici, c'était que l'élément le plus lourd qu'on avait trouvé sur la Terre, donc avec le plus de neutrons et de protons dans son noyau, c'était l'uranium, qui a 92 neutrons. Eh bien, les gens se disent, maintenant qu'on connaît le neutron, peut-être qu'on est capable d'ajouter à l'uranium des neutrons pour faire des éléments plus lourds en laboratoire. Donc, l'élément 93 neutrons, 94. Donc, ça a déclenché justement une course. C'était un sujet très intéressant et très à la fine pointe. Donc, il y a quatre équipes qui s'intéressent à ces recherches-là. Donc, au Royaume-Uni, il y a l'équipe de Ernest Rutherford, qui est bien connue pour ses travaux justement sur la structure de l'atome. En France, il y a l'équipe d'Irène Joliot-Curie, qui travaille aussi à créer ces éléments lourds-là. En Italie, il y a Enrico Fermi, qui va plus tard travailler sur le projet Manhattan de bombes atomiques des États-Unis. Donc, c'était un peu ses recherches avant de travailler sur les bombes atomiques. Et en Allemagne, il y a justement l'équipe de Lise Meitner et de son neveu, qui s'appelait Otto Hahn, qui est vraiment le nom. Ben, pas le nom qu'on doit retenir, mais qui va devenir un acteur très important de cette histoire. Donc, je vous l'ai dit, on est dans les années 30. Elle est autrichienne, elle travaille en Allemagne avec son neveu. Et, ben, la guerre est imminente. Oui, on est aux portes. Et Lise Meitner est juive. Ah oui, et puis elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas au bon endroit au bon moment. Elle fait de la très bonne recherche, mais géographiquement mal placée. Donc, elle va quitter l'Allemagne, mais elle ne veut pas abandonner ses recherches. Donc, elle va continuer une correspondance avec son neveu pour continuer de partager les idées. On sait, dans ce temps-là, ça se faisait beaucoup par correspondance entre scientifiques. Donc, la même année, en 1938, il va aller la rejoindre à Copenhague pour planifier des expériences. À propos des neutrons et des éléments lourds. Donc, aussitôt de retour en Allemagne, Otto va, avec son assistant, faire ces expériences-là. Puis c'est des expériences qui étaient très, très techniques pour l'époque, d'une grande difficulté. Donc, l'expérience, en fait, ça va avoir l'air simple, mais c'était très difficile. Ils bombardent de l'uranium 92 avec des neutrons. Et ils regardent ce qui se passe, en espérant qu'ils favorisent les conditions pour faire l'élément 93, 94. Et ils se rendent compte que dans les produits de la réaction, il y a du barium. Donc, le barium, c'est l'élément 56. Donc, ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché, mais ils venaient de découvrir la fission nucléaire. Ah, d'accord! Donc, la fission nucléaire, en fait, c'est quand on réussit à séparer des atomes en atomes plus petits. Puis ça, c'est très exothermique. Donc, ça dégage beaucoup d'énergie. Et la fission nucléaire, c'est là-dessus qu'est basée la bombe atomique. Ben oui. Donc, ils venaient de mettre les bases pour la bombe atomique. Je suis sûre qu'ils pensaient... Ben, ils savaient peut-être pas ce que ça allait arriver là. Je vais lui laisser le bénéfice du doute que c'était pas son but. Donc... Donc voilà, alors là, aussitôt qu'il se rend compte de ça, avec son assistant, il écrive une lettre à Lise Meitner pour l'avertir, parce qu'il n'y avait pas Internet, il ne pouvait pas lui dire, donc envoie une lettre et prépare en même temps une publication. Parce qu'on sait qu'en science, pour être reconnu dans ses découvertes, on doit publier, être visé par ses pairs. Donc prépare une publication, mais il ne peut pas mettre Lise Meitner comme co-auteur, parce que c'est dangereux pour elle et c'est dangereux pour lui. Ah oui, faut protéger, faut la maintenir cachée, c'est ça. Exactement, lui d'avoir collaboré avec une scientifique juive, elle de s'être enfuie et de collaborer avec des Allemands, bon, c'était dangereux, donc son nom ne peut pas être sur la publication. Ah oui. Donc en 1944, son neveu Otto Hahn va recevoir le prix Nobel de chimie, pour avoir justement découvert la fission nucléaire. Et puis, Lise Meitner, elle n'aura jamais cet honneur. Mais en même temps, c'était un peu pour préserver sa vie qu'elle n'a pas été sur l'article. Et puis, bon, le comité des Nobel a décidé de ne pas lui accorder. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance, qu'il n'y ait pas eu moyen de reconnaître sa participation à la recherche en dehors de la publication. Il y avait peut-être des lettres de correspondance qui pouvaient... Ben, en fait, c'est le cas le plus célèbre de femme qui aurait dû avoir un prix Nobel et qui ne l'a pas eu. Mais il faut se rapporter, on est en 1944 aussi. Peut-être qu'en 2013, ça ne se produirait pas ainsi. Mais là, on est en 1944, on vient de terminer la guerre. Bon, c'est une situation instable, donc... Ben, en tout cas, c'est fort intéressant. Je me doute que tu as d'autres exemples comme ça. On va aller voir après. On va juste faire une petite pause musicale très courte. Et après, on parle de... De qui? On va parler, en fait, je vais vous parler brièvement de Rosalind Franklin et aussi de Jocelyn Bell, qui, elle, est encore vivante. Voilà, donc restez avec nous, on passe en pause musicale et vous écoutez CKRL au 89.1. Vous écoutez toujours Futur Simple au 89.1 et on va poursuivre avec Anne-Sophie Poulain-Girard notre exploration dans l'histoire des sciences, en particulier pour découvrir les femmes scientifiques qui auraient dû avoir le prix Nobel et qui ne l'ont pas eu. Donc Anne-Sophie, on continue avec... Avec Rosalind Franklin. Donc, qui était une biologiste cellulaire. Donc là, on se transporte dans les années 50 en Grande-Bretagne. Donc, elle bombardait des échantillons biologiques avec des rayons X et observait le résultat. Et c'est elle qui a mis en évidence la forme à double hélice des brins d'ADN. Mm-hmm. Elle prend quelques années pour vérifier ses résultats, qu'elle s'est pas trompée. Et pendant ce temps-là, eh bien... Ce qui arriva est assez dommage. Donc, en 1953, deux Américains, James Watson et Francis Crick, se basent sur ces résultats et publient un article dans Nature, donc une revue très prestigieuse, où est-ce qu'ils, dans le fond, énoncent que l'ADN est en double hélice. J'ai fait des recherches un peu pour savoir comment il y avait eu l'information pour se baser sur ces résultats. Et dans des sources crédibles, j'ai eu trois réponses différentes. Donc, je vous les énonce et ouais. Vous pourrez trouver, choisir celle qui vous convient. Alors, elle l'aurait présentée en conférence et ils y auraient eu accès. Ou elle leur aurait fourni les résultats. Ou quelqu'un d'autre aurait fourni ses résultats à son insu. Mm-hmm. Donc, j'ai pas réussi à trouver... Parce que c'est une photo qu'elle leur a fournie, hein, finalement. Puis à partir de la photo, ils ont deviné que c'était une double ellipse. Exactement. Parce qu'avec sa technique, si c'était une double ellipse, on voit une croix dans la photo. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, comment ont eu accès à leurs résultats? Je ne peux répondre. Donc, en 1958, Rosalind va mourir d'un cancer à 37 ans. C'est jeune. Exactement. Mmh. Et en 1962, donc 4 ans après, nos deux Américains vont obtenir le prix Nobel pour avoir décrit la structure de l'ADN. Et depuis 1974, le prix Nobel ne peut pas être attribué à titre posthume. Mmh. Donc, peut-être qu'elle l'aurait eu si elle n'était pas décédée. Donc, de nos jours, il y a eu un cas récemment. La personne est décédée entre le moment où le jury avait décidé et l'annonce. Il y a un délai de 4 jours. Ouais. Ils ont décidé de lui remettre quand même. Mais donc, depuis 1974, 4 ans, c'était trop long. Donc, elle n'a pas pu l'obtenir. Et puis, je voulais aussi vous raconter l'histoire d'une personne qui vit encore. Ouais. Qui s'appelle Jocelyn Bell, qui elle aussi est britannique. C'est une astrophysicienne, donc aujourd'hui elle a 69 ans, elle est née en 1943. Donc en 1965, elle commence un doctorat à l'Université de Cambridge sous la direction d'un professeur qui s'appelle Anthony Ewish. Donc elle, pendant son doctorat, elle contribue à la construction d'un radiotélescope, donc un télescope qui observe les ondes radio pour observer les quasars. Donc, les quasars, c'est des objets très lumineux dans une galaxie qui sont causés par un trou noir. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais c'était le sujet de ses recherches a priori. Donc, 2 ans plus tard, elle remarque un comportement bizarre dans ses résultats. Elle est passée, il y avait des résultats toutes les nuits, elle analysait ça méticuleusement et elle remarque une anomalie. Donc, elle détermine que le signal qu'elle observe, c'est un signal pulsé qui a une fréquence d'environ une pulsation par seconde. Mm-hmm. Donc, un signal radio. Et suite à recherche-réflexion, détermine que c'est la signature d'une étoile à neutrons qui tourne rapidement sur elle-même. Et puis ça, c'est l'objet qu'on appelle le pulsar. Ouais. Et elle venait de découvrir les pulsars. OK, ça n'existait pas. On n'avait pas encore vu ou imaginé de tels objets célestes là qui tournent sur eux-mêmes très vite. Et exactement. D'accord. Donc, elle met en évidence le pulsar. Ouais. Donc, on est autour de 1967-68. Donc, en 1974, le prix Nobel de physique va être attribué à son directeur, Anthony Ewish, et à Martin Ryle pour leur recherche novatrice dans le domaine de la radioastronomie, dont la découverte des pulsars. Ouais. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la règle du quatrième homme, qui des fois n'est pas primée. Ben ici, il y a eu seulement 2 récipiendaires. Donc, il y aurait eu de la place c'est ça. Pour une troisième personne. Ouais. Ça a suscité beaucoup de critiques de la part de gens qui ont critiqué justement le fait que son directeur s'était approprié ses recherches. Ouais, c'est quand même un peu surprenant. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qu'elle en a pensé, elle? Parce qu'elle est encore vivante pour s'exprimer. J'ai un ami qui a vu une de ses conférences récemment et elle disait que... j'ai un peu de misère à croire, mais que ça lui dérangeait pas de pas avoir eu de prix Nobel parce que tout le monde lui donnait plein d'autres prix. Ah! donc, elle avait eu beaucoup d'autres prix en contrepartie et beaucoup de reconnaissance. Ouais. Donc, oui. Bon. Donc, alors, j'espère vraiment que c'est la vérité. Mm-hmm. Donc, si jamais le sujet des femmes et des sciences vous intéresse, je vous conseille justement de lire un livre qui s'appelle « Trop belle pour le Nobel », « Les femmes et la science ». Donc, je vous ai présenté des femmes qui n'ont pas eu le prix Nobel et qui auraient peut-être dû, mais dans ce livre-là, on vous présente vraiment l'histoire des femmes et de la science, donc celles qui ont été reconnues et celles qui n'ont pas été reconnues également. Donc, c'est un livre de Nicolas Witkowski, c'est une version originale aux éditions Seuil, ça a été paru en 2005. Donc, dans ce livre-là, on commence en parlant de la femme de Croix. Cro-Magnon, son apport technologique. Il n'y avait pas de prix Nobel à cette époque-là. Non, il n'y avait pas de prix Nobel. On parle également d'avancées textiles dans le domaine du textile au 13e siècle en Chine. Ouais. L'apport technologique des femmes. On parle également de Ada Lovelace, qu'on désigne comme la première programmeuse, qui a justement écrit un programme sur l'ancêtre de l'ordinateur. Et puis, le dernier chapitre parle de Jane Goodall, donc, qui a fait une très grande étude sur le terrain, sur les chimpanzés. Donc, évidemment, et bien d'autres femmes, et ça relate un peu le... Donc, à chaque fois, ça remet en contexte l'histoire, leur contribution à une découverte ou à l'avancée scientifique dans leur domaine. Oui, tout à fait. Puis, c'est raconté sous forme d'histoire. Donc, la lecture est très agréable. Le livre se détaille environ 17 $ et il est disponible dans les bibliothèques municipales de Québec, si jamais vous êtes intéressé. Donc, trop belle pour le Nobel, les femmes et la science. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment des portraits très intéressants. Puis, comme quoi, l'histoire peut se raconter aussi comme une histoire. La science peut se raconter comme une histoire. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça m'a fait plaisir. Alors, de notre côté, c'est le temps de partir en pause. Oui, on me fascine que oui. Alors, on part en pause publicitaire et vous écoutez, bien sûr, CKRL et bien sûr, au 89.1.